Ok, LYRIX, j'rappe pour le Creusot, j'rappe pour Lyon, Freecord. Alors voilà, je balance mon son, ok ok, je balance mes mesures. Ici lyrique sur la vocale, tu ne trouveras jamais d'imposture. Juste un mec qui bosse dur pour un peu de reconnaissance. Faire hocher la tête, mes proches, et la plus belle des récompenses. Encore inconnu d'internet, je vais rentrer dans la compète. Pour trouver l'inspiration, je n'ai pas besoin de fumer des pets. Alors je débarque pour rapper, après le grattage du papier. C'est gratuit, tout frais payé, prépare-toi à rester scié. Des fois mon flow me fait défaut, mais je me défends et je fais ce qu'il faut. Des fous diront que je n'ai pas de fond, mais je t'affirme qu'ils ont tout faux. Je ne viens pas de banlieue, alors faudrait que je stoppe. C'est ce qu'on m'a déjà dit, seulement je suis rentré dans le hip-hop. Et oui, mon rap est dans la place, lyrics veut laisser sa trace. Tout ça sans toucher de liasse, le showbiz s'annonce salace. La tendance vient d'être inversée, excusez-moi si je suis sévère. Mais le rap bling bling c'est m'énerver comme ces gros pics qu'ils vénèrent. Car je veux rester authentique, je ne veux pas baisser le caleçon. Je ne veux pas devenir pathétique, écrire des textes à la con. Je préfère rapper l'utilité, lutter contre l'intolérance. Et je rappe pour l'égalité, légaligons-nous dans cette cadence. Je sens ton impatience, tu te demandes ce à quoi t'attendre. Bélo c'est le rap du Creusot, un son qui va te surprendre. Ce morceau c'est juste pour dire que le train a déjà démarré. Dépêche-toi de prendre en marche, car il n'est pas prêt de s'arrêter. Lyrics, un petit freestyle en attendant l'album Révélation.